Quatrième partie, chapitre 8, l'ordre. Qu'est-ce que le sacrement de l'ordre? L'ordre est le sacrement qui donne le pouvoir d'exercer les fonctions sacrées qui regardent le culte de Dieu et le salut des âmes, et qui imprime dans l'âme de celui qui le reçoit le caractère de ministre de Dieu. Pourquoi l'appelle-t-on l'ordre? On l'appelle l'ordre parce qu'il comporte plusieurs degrés subordonnés les uns aux autres, d'où résulte la hiérarchie sacrée. Quels sont ces degrés? Le plus élevé d'entre eux est l'épiscopat, qui contient la plénitude du sacerdoce. Ensuite, le presbytérat, ou le simple sacerdoce, puis le diaconat et les ordres qu'on appelle ordres mineurs. Jésus-Christ a-t-il institué immédiatement tous les degrés du sacrement de l'ordre? Jésus-Christ a institué immédiatement les deux degrés supérieurs du sacrement de l'ordre, qui sont l'épiscopat et le sacerdoce simple, ou presbytéra. Ensuite, par l'intermédiaire des apôtres, il a institué le diaconat, d'où dérivent les autres ordres inférieurs. Quand est-ce que Jésus-Christ a établi l'ordre sacerdotal? Jésus-Christ a établi l'ordre sacerdotal dans la dernière scène, quand il conféra aux apôtres et à leurs successeurs le pouvoir de consacrer la très sainte Eucharistie. Puis, le jour de sa résurrection, il leur conféra le pouvoir de remettre et de retenir les péchés, les constituant ainsi les premiers prêtres de la nouvelle loi dans toute la plénitude de leur pouvoir. Quel est le ministre de ce sacrement? Le seul ministre de ce sacrement est l'évêque. La dignité du sacerdoce chrétien est donc bien grande. La dignité du sacerdoce chrétien est très grande en raison de la double puissance que lui a conférée Jésus-Christ sur son corps réel et sur son corps mystique qui est l'Église, et en raison de la divine mission confiée aux prêtres de conduire tous les hommes à la vie éternelle. Le sacerdoce catholique est-il nécessaire dans l'Église? Le sacerdoce catholique est nécessaire dans l'Église parce que sans lui, les fidèles seraient privés du saint sacrifice de la messe et de la plus grande partie des sacrements. Ils n'auraient personne pour les instruire dans la foi. Ils resteraient comme des brebis sans pasteur, à la merci des loups. En un mot, l'Église n'existerait plus comme Jésus-Christ l'a instituée. Le sacerdoce catholique ne cessera donc jamais sur la terre? Le sacerdoce catholique, malgré la guerre que lui fait l'enfer, durera jusqu'à la fin des siècles, car Jésus-Christ a promis que les puissances de l'enfer ne prévaudraient jamais contre son Église. Est-ce un péché de mépriser les prêtres? C'est un péché très grave, parce que le mépris et les injures qui s'adressent aux prêtres atteignent Jésus-Christ lui-même qui a dit à ses apôtres « Qui vous méprise, me méprise ». Quel doit être le but de celui qui embrasse l'état ecclésiastique? Le but de celui qui embrasse l'état ecclésiastique doit être uniquement la gloire de Dieu et le salut des âmes. Qu'est-ce qui est nécessaire pour entrer dans l'état ecclésiastique? Pour entrer dans l'état ecclésiastique, ce qui est nécessaire avant tout, c'est la vocation divine. Que faut-il faire pour connaître si Dieu appelle à l'état ecclésiastique. Pour connaître si Dieu appelle à l'état ecclésiastique, il faut premièrement prier avec ferveur notre Seigneur de manifester quelle est sa volonté. Deuxièmement, prendre conseil de son évêque ou d'un sage et prudent directeur. Troisièmement, examiner avec soin si on a les aptitudes nécessaires pour les études, les fonctions et les obligations de cet état. Celui qui entrerait dans l'état ecclésiastique sans la vocation divine ferait-il mal? Celui qui entrerait dans l'état ecclésiastique sans y être appelé de Dieu ferait un mal très grave et se mettrait en danger de perdition. Les parents qui, pour des motifs humains, engagent leur fils à embrasser sans vocation l'état ecclésiastique font-ils mal? Les parents qui, pour des motifs humains, engagent leur fils à embrasser sans vocation l'état ecclésiastique commettent eux aussi une faute très grave, parce que, en cela, ils usurpent le droit que Dieu s'est réservé à lui-même de choisir ses ministres, et qu'ils mettent leur fils en péril de damnation éternelle. Quels sont les devoirs des fidèles envers ceux qui sont appelés aux saints ordres? Les fidèles doivent, premièrement, laisser à leur fils et à ceux qui sont sous leur dépendance, pleine liberté de suivre la vocation divine. Deuxièmement, prier Dieu qu'il daigne accorder à son Église de bons pasteurs et des ministres zélés, et c'est aussi dans ce but qu'a été institué le jeûne des quatre temps. Troisièmement, avoir un respect singulier pour tous ceux qui, par les ordres, sont consacrés au service de Dieu.